Épître de Saint Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont aimés en Dieu le Père, gardés et appelés par Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité soient multipliées en vous. Bien-aimés, comme je mettais tout mon zèle à vous écrire au sujet de votre salut commun, je me suis trouvé dans la nécessité de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois pour toutes transmise aux saints. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, depuis longtemps désignés pour la condamnation, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, quoique vous sachiez fort bien toutes choses, que Jésus, ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, fit ensuite périr ceux qui furent incrédules, et que les anges, qui n'ont pas conservé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, ont été réservés par lui pour le jugement du grand jour, liés par des chaînes éternelles dans les ténèbres. De même, Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impureté et à des vices contre nature, sont devant nous comme un exemple, subissant la peine du feu éternel. Pareillement, ces hommes aussi souillent la chair. De plus, ils méprisent l'autorité et insultent ceux qui sont élevés en dignité. Cependant, l'archange Michel, lorsqu'il discutait avec le diable, lui disputant le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais dis, que le Seigneur te réprime. Mais ceux-ci insultent tout ce qu'ils ignorent. Quant à celles qu'ils connaissent naturellement, comme les bêtes brutes, ils s'y corrompent. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés, pour un salaire, dans l'erreur de Balaam, et ils ont péri dans la rébellion de Corée. Ils sont des taches dans leur repas de charité, faisant bonne chair sans retenue, se repaissant eux-mêmes, nuées sans eau, emportées çà et là par les vents, arbre d'automne, sans fruits, deux fois mort, déraciné. Vagues furieuses de la mer, qui rejettent l'écume de leurs infamies. Astres errants, auxquels une tempête ténébreuse est réservée pour l'éternité. C'est d'eux qu'a prophétisé Hénoc, le septième patriarche depuis Adam, lorsqu'il a dit « Voici ». Le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour convaincre tous les impies de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les dures paroles que ces pécheurs impies ont proférées contre lui. Ce sont des mécontents qui murmurent, qui marchent suivant leur convoitise, dont la bouche prononce des paroles hautaines et qui admirent les gens par intérêt. Mais vous, bien-aimés, rappelez-vous les choses qui ont été prédites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il viendra des moqueurs qui marcheront dans l'impiété, suivant leur convoitise. Ce sont eux qui se séparent eux-mêmes, êtres sensuels, n'ayant pas l'esprit. Mais vous, bien-aimés, vous élevant vous-même comme un édifice sur le fondement de votre sainte foi et priant par l'Esprit Saint, conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour obtenir la vie éternelle. Reprenez les uns qui paraissent condamnés. Sauvez les autres en les retirant du feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. À celui qui est puissant pour vous, conservez sans péché, et pour vous faire comparaître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, gloire et magnificence, empire et force, avant tous les siècles et maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen.